Ok. Illégal G. Genève 2008. Toujours là, trop de MC. Trop d'MC, cousin. Illégal G. Un seul coup de blog partout. MySpace, Facebook. Illégal G. Tu sais, si. Illégal G. Il y en a beaucoup, mais qu'une seule ville. Illégal G. Genève est en grève, trop d'MC se prennent pour la relève de Belzébuth. Oublie pas qu'on râle en micro te bute. Genève, problème illusoire sur le bordel et double effet miroir. Il faut y vivre pour y croire. Il faut en être riche pour passer le soir indemne. Genève n'est plus un rêve, mais tout un cauchemar à cette génération vingtaine qui rentre tard le soir. Qui ont laissé leurs problèmes dans un placard. On entend des cris plus effrayants qu'un abattoir. Genève, je erre dans tes couloirs. Esquiver l'histoire d'amour tranchante comme un rasoir. À chercher la gloire, c'est remontant la pente. J'ai souvent trouvé l'espoir. Voilà un petit résumé de ma vie de zonard. 12-12-01, vie de zonard. Genève, une ville, un exil. Loin d'être tranquille, un coup de fil. Tu bouges, c'est trop à l'autre bout du fil. Partout y'a du terrible, y'a du docile. Ne nous oublie pas, ne t'oublie pas. Devant la cible, t'auras là. Genève, c'est ma ville, là où j'ai lu domicile. Les étrangers sont considérés comme un dangereux missile. Une vie tranquille, mon QI, qui est pour cela qu'habite la colonie et dort dans un grand lit. Genève, je t'ai tout fait, les cartes sont coadilées du bout jusqu'à m'enterrer dans un trou. Le pouls, ok, conscient, je reprends mes esprits comme un coquet. La cible identifiée, il ne me reste plus qu'à débusquer. Genève, je t'ai tout donné, tu m'as tout pris. Comment veux-tu que je te considère pas comme une gadi? Comment veux-tu que je me sente pas trahi? Je te haïs, car tout ce que j'entreprends, tu le détruis. Genève, tu m'ennuies, je te le redis, un récit, un seul pour te raconter mon acrobatie. Si je reste précis dans mon idée, seuls les bas années que j'apprécie peuvent le raconter.